de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Une semaine durant, à la fin des années 90, Françoise Celleron avait parcouru la Sarthe et la Mayenne pour entendre des récits du bocage dans Changement de décor. La deuxième émission fut consacrée au rituel du bocage. Ainsi, saviez-vous que la nuit du 30 avril au 1er mai est la nuit des sorcières et qu'il faut jeter du gros sel pour les empêcher d'entrer chez vous. Que le don peut passer d'un sexe à l'autre. Quel don ? Celui de passer le feu, de devenir un conjureux. Et que tout enfant qui naît après la mort de son père possède automatiquement un don. De même que s'il est né un 10 août du reste. Changement de décor, récit du bocage, les rituels du bocage par Françoise Celleron, réalisation Véronique Villa, première diffusion sur France Culture le 17 novembre 1998. Changement de décor. Enquêter comme l'a fait Jeanne Favré-Saada dans les années 70 sur la sorcellerie dans le bocage peut s'avérer une entreprise délicate, voire dangereuse. Car, comme elle le dit dans un de ses livres, les mots, la mort, les sorts, en sorcellerie, l'acte, c'est le verbe, et il n'y a pas de parole neutre. Chercher à savoir, c'est déjà entrer dans le processus d'envoûtement. L'ethnologue l'a appris à ses dépens en voulant casser le jeu de rôle entre ensorcelés et désenvoûteurs. Ce soir, notre ambition est bien plus modeste. Avec la complicité de Pierre Guichenet, l'enfant du pays qui a étudié les rituels du bocage et d'ailleurs, et Maurice Gruot, curé de campagne et anthropologue, nous allons tenter d'entrer en familiarité avec les petits saints de Mayenne, Saint Arotin, Saint Riflard, Saint Léonard, Saint Mélaine, qui ont des noms, pas toujours très catholiques d'ailleurs. Nous allons écouter ceux qui conjurent, qui touchent, qui soignent, qui se trouvent être exclusivement des femmes ce soir, et qui ont accepté de nous parler en toute simplicité, sous le sceau de l'anonymat. Saint-Léonard. Oui. C'est une chapelle qui est en Mayenne. Non, elle est vilaine. Il est vilaine déjà. Oui. Ah oui, c'est oui, juste à la frontière du oui, département. Oui. Alors là, j'aimerais bien que vous me le décriviez un peu. Il y a deux saints autour de l'hôtel. C'est une toute petite chapelle. Oui. Ben, il y a Saint-Mélaine. Ah oui, Saint-Mélaine ici. De gauche, oui, de gauche. Et Saint-Léonard pour les enfants, pour faire marcher les enfants. Celui de droite. De droite, oui. Et alors celui de gauche, il a des aiguilles dans les pieds. On dit que c'est pour marier les filles ou les gars dans l'année. Alors ils viennent, les filles, elles viennent planter des aiguilles. Le pain, oui. Vous les avez vues, vous? Oui, j'en ai vu, oui. Faire ça? Oui. Ah oui. Oui. Et ça y a marché. Sûr. Ça marche? Oui. Et alors vous, c'est plutôt avec Saint-Léonard que vous avez une complicité, non? Oh ben, depuis 5 ans que j'étais là, puisque je me suis mariée en 50, alors je suis mis à cette chapelle-là. Et c'est là que j'ai appris pour faire marcher les enfants, dans la chaîne là, qui était là. Parce que vous avez vécu là, dans la chaîne qui était juste à côté? La petite maison. Alors oui, vous étiez sous sa protection? Oui, oui. Ah oui. Et vous veniez souvent dans la chapelle? Ah, tous les jours. C'est vrai? Tous les jours. Le matin, j'ouvrais, le soir, je fermais. Et je faisais ma tournée dans la chapelle tous les soirs. Ah, vous étiez la gardienne oui, des oui. lieux? Ah oui, oui. Et j'ai un souvenir de Saint-Léonard. Je dis que Saint-Léonard m'a protégée. Et vous avez vécu pendant 20 ans ici? Oui, hein. oui. On est en plein champ, là, en oui, pleine hein. nature. En pleine nature, oui, sûr. En campagne. Oui. Et vous, quand vous êtes arrivée là, vous aviez pas beaucoup de bêtes? Vous aviez... On avait 5 vaches. La vache, et mon mari allait à Bas-du-Bord. Ah oui. Oui, la ferme de Port-Grand-Nancy pour rester tous les deux là. Hein. Et puis il y a un puits aussi. Oui, au bout de la chapelle, là. Mmh. Oui. Et il y avait un vieux chemin qui était là, qui descendait, et ça y en a tout de suite dans ce chemin-là. Et a tout de suite par cette chaîne-là. Parce que comment ça, il a été tué ? Ben, je ne sais pas, je dis ça toujours comme ça. On vous a raconté ? Oui, comme ça. Alors la chaîne, maintenant ? Et c'est pour les enfants, pour les faire marcher. Ah, vous allez nous montrer comment vous faites ? Oui, on fait ça, oui. Parce qu'il y a un petit garçon là-bas. Oui, oui, oui. Maxime ? Oui, oui, qui va venir. Hein. Tu viens, Maxime ? Alors, tu fais quoi, petit ? Je fais ça deux fois, je fais ça quand il arrive. Oui. Et avant de partir, on est 10 minutes à garder dans la chapelle. Et on recommence un deuxième coup. Alors vous lui avez fait embrasser. Alors cette chaîne, elle fait partie maintenant des murs. Oui. Elle est scellée au mur de la chapelle. Elle est scellée, une capuillère, pas soir, toujours. Mais je dis pour apporter du ciment. Alors cette chaîne-là, oui. Au bout, il y a une croix. Oui, oui. Et vous avez fait embrasser la croix. Oui, oui. Oui. Et après, vous passez la chaîne autour du corps. Oui, du corps. Surtout les jambes. Les jambes. Parce que c'est pour que les jambes, ça marche. Hein. Et deux, trois fois comme ça. Et ça souvent marche au bout de 15 jours. Hein. Ah oui, il faut attendre 15 jours. Alors, je ferai avant, ça dépend des enfants. Hein. Mais si au bout de 15 jours, il ne marche pas, vous les ramenez au bout de 15 jours. Et après, souvent, le deuxième coup, ça marche. Ah oui. Oui. Ça dépend qu'ils sont costauds. Hein. Oui. Mais alors, comment vous avez su que vous pouviez comme ça faire marcher les enfants? Ah ben, c'est par les uns aux autres qui sont venus là au début, que j'étais ici. Hein? Et puis je me suis mis ça dans la tête comme ça, et ça y a marché comme ça. Hein? Vous voyez, hein? Et c'est quelque chose que, en fait, vous est venu naturellement? Oui, oui, oui. C'est un don que vous avez? C'est vrai, hein? C'est ça? Les gens, ils viennent me voir, ils m'appellent au téléphone. Est-ce que vous pourriez venir avec nous à Saint-Léonard? Oui. Oui, alors c'est vrai. Vous êtes comme la prêtresse de Saint-Léonard. Oui, oui, oui. Et vous en êtes fière? Ah oui, question de ça. Hein. Et vous avez ce don depuis quand? Depuis 20 ans? Depuis que vous êtes venue là? Oui, oui. Et vous avez envie de le transmettre? Oh, personne ne me demande non plus, puis quand même, tandis que je vivrai, je suis capable de venir là, je viendrai là. Oui. Et vous lui parlez à Saint-Léonard? Ben, je comprends. Ah oui. Et j'aime bien mon Saint-Léonard. Oui. C'est comme ça, c'est un don. Hein. Et les gens, ils connaissent. Ils vous connaissent. Ah oui, ah oui. Il y en a beaucoup qui viennent alors. Ah oui, ben, il y a toutes les communes, on est autour, là, on est de la Mayenne aussi. J'en ai eu de Rennes qui sont venus aussi. Ah, d'aussi loin? Par la famille, pas la famille de par là. Ah oui. Ah oui, oui. Je voulais vous demander. Vous, madame, alors comment vous avez su que madame, elle avait ce don? Vous êtes venue, vous, la voir comme ça? Oui, oui, oui. Enfin, on peut entendre parler, hein. C'est... Oui, voilà. Vous y croyez, alors? Ah oui, ah oui, oui. Et vous avez déjà emmené d'autres enfants? Non. C'est votre premier? Non, c'est mon premier, ouais. Ah oui? Oui, ouais. Et comment vous avez eu cette idée, là? Bah parce qu'il se traînait beaucoup sur ses fesses. Alors bon, à partir de 14 mois, je me suis dit, bon. Mais un enfant, normalement, ça commence à marcher à quel âge? Il n'y a pas d'âge. Je sais pas. Je sais pas. Pierre Guichenet, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez avec nous hier soir, vous êtes avec nous encore ce soir, mais cette fois-ci, c'est pour nous initier au rituel de ce bocage, à ces pratiques magiques, comme on dit, chez les ethnologues ou les anthropologues, dont l'un des personnages d'ailleurs de votre livre dit « C'est des croyances de chez nous, pas très raisonnables, faut l'admettre, mais ça soulage bien ». Et c'est vous qui nous avez conduits jusqu'à la prêtresse de Saint-Léonard dans cette quête cette enquête en profondeur que vous menez sur le pays de vos origines. Oui, la prêtresse de Saint-Léonard, c'est un personnage unique. D'ailleurs, pour le moment, des personnes, parce qu'il y a souvent des personnes qui accompagnent les enfants. Je pense à Saint-Riflard, qui est un autre petit saint qui guérit de la rifle, dont la statue a été volée d'ailleurs. Enfin, ça c'est une autre histoire. La rifle, c'est un eczéma purulent et pour lequel on accompagne toujours. C'est une dame, souvent c'était d'un certain âge, c'est-à-dire ménopausée, qui accompagne les enfants, qui connaît les prières ou qui suppose connaître les prières. Il n'y a pas de formule spéciale pour les petits saints. Et là, bon, cette dame qui est fort sympathique d'ailleurs, a établi une relation d'amour avec son petit saint et elle transmet son amour aux enfants qui viennent. Et après quelques cris d'ailleurs. Peut-être l'enfant était un petit peu effrayé par le micro aussi. Non, la chaîne est froide. Il était tombé dans les escaliers juste avant de venir. Oui. Et ce qui est intéressant dans ces, enfin, ce qui moi m'intéresse, ça m'a posé beaucoup de questions. Je sais pas, il y a Maurice là, qui pourra dire ce qu'il en pense, d'ailleurs, puisqu'il est prêtre. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de culte des ancêtres. Et on invoque Mans et Lars, et c'est ce qui fait qu'on a affaire. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai vraiment affaire à une culture homogène qui a survécu jusqu'à maintenant et dans laquelle on ne se transmet pas que des connaissances pour l'agriculture, pour la cuisine, qui sont importantes, hein, essentielles, mais aussi des connaissances qui permettent d'être un peu plus que soi. Alors Maurice Gruau, bonsoir. Je rappelle donc que vous êtes curé de campagne et anthropologue. Vous avez longtemps exercé dans ce pays de bocage. Oui, c'est vrai. Et comme disait Pierre tout à l'heure, j'ai vraiment remarqué que ces ensorcellements, toutes ces choses-là, c'était héréditaire. Beaucoup des gens qui m'ont appelé pour les libérer de leur sort m'ont raconté que c'était déjà arrivé à leurs parents avant eux. Ça se transmet. Ces malheurs, ce mauvais sort se transmet volontiers. Ça se transmet. Je me souviens très bien d'un cas où les gens étaient couchés, un couple était couché, puis la lumière s'est allumée toute seule, et en face d'eux, ils ont vu la porte de leur chambre, la clé qui s'est mise à tourner toute seule. Alors ils ont eu très peur, ils sont venus me chercher, et ils m'ont raconté que c'était déjà arrivé à leurs parents, et que à ce moment-là, ils avaient été chercher un père jésuite, c'était l'hiver, le père jésuite était venu à pied, pieds nus dans la neige, moi je suis allé en voiture, Mais alors vous avez pratiqué ça pendant un certain nombre de temps. Pendant un certain nombre d'années, oui, pendant de longues années même, oui. Mais alors j'ai appris que c'était l'évêché qui nommait un prêtre exorciste comme ça. Oui, mais en même temps, il y a aussi beaucoup de prêtres qui sont de fait exorcistes, et beaucoup même qui le sont sans le savoir, parce que on se retrouve dans une situation et les gens nous investissent d'un pouvoir. Il n'y a même pas besoin des paroles dont parlait Jeanne Favre-Saada, il suffit que nous soyons là. C'est tout. C'est ça. Ça suffit. Et ces petits saints pas très catholiques qui ont des drôles de noms, là, qu'on évoquait tout à l'heure. Oui. Vous les aimez bien, vous aussi. On allait tout le temps en pèlerinage à celui qu'on appelait le petit saint qui pisse. C'était Saint-Senneret, il était juste au-dessus d'une petite source. Alors c'était le petit saint qui pisse. Et vous en avez exploré plus d'un. Oui, Saint-Senneret est remarquable, extrêmement. D'ailleurs, il a beaucoup de succès. Enfin, il est très très visité. Son culte remonte. Et d'ailleurs, j'ai demandé. Il y a une dame qui tient un café juste en bas de l'endroit du sanctuaire de Saint-Senneret, où il y a une grotte, il y a une source. Donc, c'est un endroit celtique. Et il est dit d'ailleurs dans l'histoire de Saint-Senneret. Qu'il s'est installé dans un endroit où les jeunes filles qui voulaient se marier venaient jeter des bouquets de fleurs. Il y a cette histoire-là. Donc, en fait, on a, à travers ces petits saints, une vieille culture celtique qui perdure jusqu'au XXe siècle, et elle est en train de passer allègrement dans le XXIe siècle. Et je pense que, je sais pas, moi j'aime beaucoup les petits saints. J'ai beaucoup de tendresse pour eux. Mais il y en a qui sont pas reconnus parce qu'ils ont ces noms à rotin. Oui, mais ils ont presque tous deux noms. Saint-Riflard, c'est en même temps Saint-Barthélemy, par exemple. Oui. Il a un nom officiel et puis il a son nom d'artiste. Il a son nom local, c'est-à-dire de Genius Loci, donc de génie du lieu, et il fait partie de la grande catégorie des Saint-Barthélemy. Et donc il a le pouvoir de ce mort. Alors les saints, quand la dame de Saint-Léonard dit Saint-Léonard, il a été tué ici, c'est pas le Saint-Léonard qu'on retrouve dans la légende dorée, c'est-à-dire celui qui connaissait Clovis et qui avait fait libérer les esclaves, c'est un autre, il y a certainement quelqu'un qui est mort là, exactement comme en Afrique, en Afrique noire, en Afrique du Nord. Là où il y a de la baraka, du pouvoir de guérison, ou du pouvoir en général, il y a un mort enterré, sacrifié, souvent égorgé. Alors quand ça va mal, quand la douleur s'installe, on ne va pas chez le médecin tout de suite. On a souvent recours à d'autres personnes qui soignent, qui ont reçu le don de guérir, comme cette femme aujourd'hui retraitée. Je suis venue après la mort de mon père. C'est uniquement pour ça. Mon père s'est mort en 28, août 28, et je suis venue au monde en février 29. Et c'est uniquement ça. C'est-à-dire que j'ai un don. Vous avez un don que vous avez hérité de votre père ? Comme ça. Je ne peux rien expliquer là-dessus. J'ai appris ça quand j'ai commencé à l'école. À 6 ans, il y avait une sœur infirmière qui était là. Alors, quand il avait des flémons, des panarites, des zonas, des brûlures, elle venait me chercher dans la classe. Je passais la main sur le mal. Et comment elle savait que vous pouviez savoir? Ça, je n'ai jamais su. La sœur en question. Mais parce que tout enfant qui naît après la mort de son père a un don. Il le fait, automatiquement. Tous les enfants? Tous les enfants qui naissent après la mort du père. C'est ce qu'on dit dans la région ici? Oui. Oh oui. Alors, vous passez un certain nombre, on dit on passe le feu, mais là, vous passez plutôt les infections L'infection surtout. L'infection. Tout ce qui donne un genre de pourriture, quoi, qui fait abcès. Ouais. Et alors, depuis toute seule, alors, depuis 6 ans 6 ans, je fais ça. Et j'en ai vu de toutes les sortes. Les gens, à cette époque-là, ils venaient, ils n'allaient pas au docteur, déjà. Ils venaient chez les sœurs infirmières, qui étaient très capables. Alors... il y avait une salle d'infirmerie, tout ça. Ah oui. Oui, oui. Et alors, c'était des gens de toutes conditions, de tous âges? Ah oui, n'importe. Oui, oui. Alors, vous aviez cette réputation dans le pays? On vous connaissait. Puis c'est connu en très grand maintenant. Ah oui? Ah oui, il en vient même de loin. Et qu'est-ce que ça fait comme ça quand on est presque élu? Comment on se dit un peu... On a quelque chose de plus que les autres? Oui, moi, je ne regarde pas ça. Si ça fait du bien aux gens, c'est ce qui compte pour moi, de toute façon. Ouais. Parce que moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit que j'étais une sorcière. Ça, je m'en cache pas. Ah oui. Ils venaient chez moi pour que je leur passe le mal, mais ils me l'ont dit. Ah, j'ai dit non, ça n'a rien à voir avec une sorcière. Je ne sais pas ce que c'est, d'abord. Ouais. Oui, parce qu'il y a des noms comme ça qui circulent. Oui, oui. Oui. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils ont eu un mauvais sort. Voilà. Ça existe, ça aussi, ça existe de pire en pire, je crois, en ce moment aussi. Ah oui. Et comment vous l'expliquez, ça? Ah, ça, je ne sais pas, parce que là... Ceux qui disent qu'ils ont subi un sort... Ah oui, mais j'en connais, j'ai même une voisine qui croit là-dedans. Moi, je lui dis, je dis, ça ne va pas, je dis, il faut... Enfin, bon... Et vous soignez les humains, les animaux? Les animaux, pareil. Ah bon. Toutes les vaches qui font panari, oui. En ce moment, il y en a beaucoup parce que le temps n'est pas bon pour les bêtes. Ah oui. Et les infections, ça vient à certains moments ou... Non. Les vaches, oui, je pense que il y a des saisons pour ça. Oui. C'est drôle. Mais alors, c'est comme un deuxième métier, une fonction comme ça? Ah oui, non, je ne prends pas ça pour un métier, moi. Non. Je fais ça, bon, comme ça. Vous faites le bien? Ben, par contre, qu'on peut, du moins. Je pense ça. Et après, quand vous avez... Vous n'avez jamais eu d'échec? Non, pour dire non. Faut pas, non. Celui qui vient au départ, qui croit un zona, c'est terminé. La sœur m'avait dit à l'époque que 2 heures après, ça ne doit plus faire mal. Ah, parce qu'elle, elle le savait, ça? Ah oui, elle savait ça. Bon, elle a peut-être étudié ça, comme elle était quand même... pas médecin à l'époque, mais elle était quand même assez capable. Alors, oui. Je ne sais pas. Mais ça, c'est sûr, il y a des gens... À la sortie de chez nous, c'est terminé. Ah oui, moi, j'ai vu un enfant, il avait 2 ans à l'époque. Oui. Eh bien, toute la figure brûlée. Ah oui, tout, il était cuit. Pour le dire, ils sont venus tout de suite parce qu'ils connaissaient. On a bu le café ensemble, c'était terminé, on ne l'a plus entendu pleurer. Le feu était parti. Bon, la plaie, il faut la faire soigner, ça c'est sûr. Mais c'est magique ça. Ah oui, oui. Le zona, en principe, il est arrêté, il ne continue plus non plus. Parce qu'il y a quand même des brûlures qui peuvent être très profondes, non? Très profondes, mais bon, quand le feu est arrêté, c'est déjà une drôle d'affaire. Et puis, ça ne fait pas infection. Si ça continue infection, ils reviennent pour arrêter l'infection. Mais il n'y a pas un moment où il faut aller voir le médecin? Ah ben si, si, parce qu'il y a des plaies, il faut qu'elles soient soignées par le docteur. Hein. La brûlure, il faut qu'elle est soignée, il n'y a pas à dire. Ah oui. Oui, alors oui. Vous les envoyez après chez le médecin? Oui, après, ils... ou s'ils l'ont été avant, ça n'a pas d'importance. Ah oui? Ah oui, oui. Les zona, comme chez les anciens, c'est très dur le zona. Alors, vaut mieux, surtout chez les anciens, vaut mieux voir les deux. Le docteur et moi. Mais beaucoup sur une autre région, les docteurs envoient les gens. Vous trouvez quelqu'un pour le passer. Ah oui, oui. Ils n'ont pas de remède pour ça, de toute façon. C'est comme ça. C'est comme ça. Hein. Et vous en êtes contente, vous en êtes heureuse d'avoir ça? Ah ben oui, parce que ça, je sais que ça rend service aux gens, ça c'est sûr. Mais quand vous passez les infections, vous prenez ça sur vous, mais ça... Ah non, ça ne me fait rien. Ça vous fait rien à vous ? Non, non, rien du tout. Il faut que je pose la main sur le mal, ça, il n'y a rien à faire. Il faut que je voie les gens. Il faut que vous les voyez. Ah oui, oui, je ne peux pas faire ça. À distance ? Non. Et pourquoi il y a des gens qui ont des dons et d'autres pas ? Ah ça. Ça, je ne peux pas vous l'expliquer, je n'ai jamais rien compris là-dedans. Moi. Ils m'ont dit, parce que je n'ai pas connu mon père, bon, tu feras ça, si tu le veux. Et ça se transmet ? Ah non. Non, ce sera une autre personne qui sera dans le même cas que moi, mais moi, je ne peux rien transmettre. Non. Après moi, ben, ils en trouveront d'autres. S'il y en a. Et il y en a, et les gens ne le savent pas, c'est ça. C'est sûr que quand c'est connu, ben, on a beaucoup de monde qui vient. Je vois à Saint-Pierre-la-Cour, la pharmacie, ils ont mon adresse. Alors, quand il y a des zones, comme ça, ils m'envoient. À Vitry, dans plusieurs endroits aussi. Alors c'est comme ça que ça s'étend, quoi. Alors comment expliquer que ce soit les femmes qui s'expriment plus volontiers à propos de leurs dons? C'est vrai que tous les témoignages qu'on a recueillis, là c'est le second, sont les femmes qui s'expriment. Pierre Guichenet. Parce qu'elles ont peut-être moins de problèmes à assumer le poids de la tradition. Pour les hommes, il y a peut-être plus de difficultés à se présenter comme magicien, à part ceux qui veulent en faire commerce. Mais enfin, on disait tout à l'heure hors antenne, pendant que passait le petit reportage sur cette dame, que la plupart des conjureux travaillent gratuitement. C'est-à-dire, ce n'est pas but lucratif et c'est très important cette histoire de don. C'est-à-dire, on a reçu quelque chose, on le fait passer. Et on rentre, je parlais de ça hier, et c'est vrai que je suis de plus en plus fasciné par cette culture du don, le don de guérison. Mais c'est pareil, à chaque fois que j'ai eu à intervenir, les gens m'ont proposé des sous, un poulet ou des choses de ce genre-là, et à tous les coups j'ai refusé très énergiquement. Mais j'ai bien vu aussi que pour pas mal de mes interlocuteurs, il comprenait que s'il me donnait quelque chose et que je l'acceptais, ça portait malheur et ça allait repartir. C'était quelque chose qui allait empêcher l'exorcisme de fonctionner. Oui. Et elle parle aussi de la recrudescence de ceux qui se croient frappés de mauvais sort, comme si c'était un effet de ce qu'on appelle communément la crise ou quoi, qui frappe aussi bien là-bas, peut-être plus, je ne sais pas. Comment vous analysez ce phénomène, là, Maurice? Je pense qu'il y a peut-être moins aujourd'hui de gens à hésiter à en parler. Et ce qui est drôle, c'est que beaucoup en parlent sans tout à fait y croire. J'ai même eu un client un jour qui a eu recours à moi bien des fois. Et j'avais essayé de l'aider à se débarrasser de ses idées. Au bout d'un moment, il m'a dit « Je sais bien que vous n'y croyez pas, mais à chaque fois que vous venez, ça fait de l'effet. » Ah oui, ce qui compte, c'est effectivement soulager. D'ailleurs, elles le disent toutes. C'est bien, ça soulage, on fait le bien, on fait du bien. Alors pourquoi pas? Oui, et puis on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas. Oui. On est là, éventuellement, quand il s'agit là des gens dont on a entendu le témoignage, ils ont fait des choses où ils ont agité la chaîne de Saint-Léonard, où ils ont passé les mains sur le zona, mais même simplement en étant là. Et vous, c'était dans le secret quand vous interveniez? Jamais je n'ai accepté de témoin. Je me suis trouvé quelquefois dans une étable où il y avait des vaches qui étaient ensorcelées, mais j'y étais toujours tout seul. Je ne voulais pas qu'il y ait personne avec moi. Et la seule personne ensorcelée, victime, qui s'est désistée d'ailleurs, après une première rencontre, c'est effectivement quelqu'un qui se sentait vraiment accablé par le malheur. Elle nous racontait, Pierre, que c'est une histoire assez incroyable. Oui, je raconte d'ailleurs l'histoire dans le livre, je l'ai reprise, parce qu'en même temps, vous parlez de Fabrice Saada, c'est vrai que le monde de la sorcellerie du mauvais sort est un monde lourd. Moi, je fais, disons, ça me sert aussi, je fais une différence très nette entre, bien qu'il n'y ait pas de frontières, mais je fais une différence très nette entre ce qui est conjuration, c'est-à-dire passer le zona, le feu, les infections, les verrues, les hémorroïdes, etc. Ce qui rentre dans le champ du mauvais sort, de la magie noire, de l'appel. Je parle bien pas de la magie noire New Age sur Internet. Oui. Je parle de ce qui se passe traditionnellement dans nos campagnes. Alors, il faut bien penser qu'on est dans une zone de frontière, dans le Maine. C'est une zone de marche. C'est une zone extrêmement pauvre où on pouvait être victime de malheurs à répétition. Je ne veux pas nier le phénomène de sorcellerie, c'est pas du tout mon propos de toute façon, et c'est pour ça que j'ai une approche plutôt ethnologique qu'historico-médicale, je sais pas comment on pourrait appeler ça, en tout cas pas parapsychologique, et on a besoin de se protéger. Quand on est dans le malheur, on a besoin de cerner, de s'entourer. On dit cerner une ferme, par exemple. On cerne une ferme avec du sel. La nuit du 1er mai, enfin la nuit des sorcières, c'est-à-dire entre le 30 avril et le 1er mai, dans toutes les fermes, et encore maintenant, on cerne les barrières et les chemins en mettant du gros sel pour éviter que le malheur n'arrive. Vous avez vous-même béni du sel, vous? Oui, du sel, Maurice Cruau. Oui, j'en ai béni beaucoup, mais ça n'était pas ma spécialité parce que théoriquement, il faut que ce soit béni par un bénédictin ou dans une église de bénédictins. Alors, il y avait aussi beaucoup qui allaient en Mayenne, par exemple, il y en avait beaucoup qui allaient chez les bénédictines de Cran, et l'aumônier bénissait le sel. Car ils ont la baraka de Saint-Benoît. Oui, oui. Dans ce pays de bocage qu'on dit retiré, beaucoup de personnes pratiquent des rituels un peu ancestraux qui se transmettent comme ça de génération en génération. C'est ce qui vous est arrivé, vous, avec votre père? Il vous a fait don d'un héritage particulier? Oui. Il, comme on disait, il passait le feu. Voilà, c'est ça. Et également les dartes. Et puis, il avait reçu ça de sa mère. Et il devait transmettre à un autre sexe, donc sa fille, quoi. Ça se transmet en changeant de sexe? Oui, en changeant de sexe. Je ne savais pas. Enfin, je pense que c'est comme ça que ça se fait. Et puis, mon père était très malade. Je ne pensais pas qu'il m'avait transmis quoi que ce soit. Mais il savait que c'était moi qui allais m'occuper des papiers de la succession, et ses papiers de retraite, etc. Et j'ai trouvé dans les papiers ce qu'il fallait dire, quoi. Mais moi, je ne savais pas qu'il m'avait transmis quand même le don. Il a dû le faire lorsque je lui tenais la main au dernier instant, quoi. Dans les papiers, vous dites... J'ai trouvé ce qu'il fallait dire. C'est-à-dire la formule du secret ? Voilà, c'est ça. Et puis, un jour, il y a une amie qui s'est brûlée la main. Elle avait pris sa grille de gazinière, donc elle avait la main toute marquée. Et puis, elle me dit, mais vous devriez essayer. Parce qu'elle savait que mon père a passé le feu. Je dis, oui, après tout... Je vais essayer. Puis ça a marché. Et à la suite de ça, j'ai fait plusieurs essais, dont la petite fille de mon parrain. Un soir, elle avait fait tomber sa lampe de chevet sur son pied. Il y avait une énorme cloque et la gamine pleurait sans arrêt. Donc il m'a appelée et puis je l'ai fait. Parce que mon père avait la possibilité de le faire à distance, en sachant précisément où c'était, sans voir la personne. Donc là, j'ai fait sur la petite Marie. Et puis, elle s'est endormie. Ça demande une demi-heure à peu près pour calmer la brûlure. Mais quand vous dites « je le fais », c'est-à-dire vous faites quoi ? Eh bien, il y a une prière à faire, quoi. Oui. Et est-ce que vous touchez la partie qui est malade ou qui est brûlée ? Non, je le fais par l'esprit, quoi. Je pense à la partie qui est brûlée et je la contourne. Par l'esprit, c'est tout. Puisque c'est tout, sans geste. Sans geste à l'appui. Et sans la voir, quoi. J'imagine Ah, parce que vous faites aussi sans voir les gens. Vous faites comme votre père. Vous faites comment ? Vous le faites par téléphone ? Oui, si quelqu'un me téléphone en me disant « je me suis brûlée à tel endroit », je le fais. Mais bon, je ne fais pas une publicité parce que je ne veux que ça sache. Donc, il n'y a que les amis, la famille... Ou alors je le dis pas forcément, parce que je vois en faisant les courses des personnes qui sont brûlées par le four, vous savez, quelquefois elles ont des très grosses brûlures. Je dis pas, puis je le fais. Ah, vous le faites sans le dire ? Sans le dire. Juste comme ça, en regardant dans la queue du magasin ? Ou je me rappelle où c'est. Non, je le dis pas dans la queue, je le dis quand je rentre à la maison. Ah, oui. Je me rappelle de l'endroit précis. Bon, il faut que ça se voit. Hein. Généralement, c'est sur les mains ou quand il fait beau, on voit ça là, au niveau du poignet. Hein. Et le fait de conjurer, généralement, il n'y a pas de cicatrice. Passer le feu, c'est donc essentiellement des maladies, les brûlures. Les brûlures, le zona. Et puis papa faisait aussi les dartes, mais ça, je ne sais pas faire parce qu'il utilisait. Un petit morceau de bois taillé en croix, et ça devait être un morceau de sureau. Mais là, j'ai rien retrouvé. Oui. Et votre père, il pratiquait ça. Vous l'avez vu, vous, faire ça ? Oui, je l'ai vu faire. C'est pareil, c'était uniquement les amis et la famille, quoi. Mmh. Et un jour, il a guéri une jeune fille qui est une nièce de quelqu'un d'ici, là, qui avait un zona dans le dos, qui était très malade depuis longtemps. Les médecins ne pouvaient plus rien, ne travaillaient plus. Et puis il l'a guéri en quelques semaines. Mais il ne faut surtout pas arrêter les médicaments pour le zona. Il disait toujours continuer les médicaments. Ah bon, il agissait pas contre le médecin ? Non. Il agissait avec ? Avec le médecin, oui. C'est-à-dire, à quel moment on venait le voir ? Après le médecin, donc ? Ou avant ? Oh, les deux, parce que quand il n'était pas passé voir le médecin, papa disait, il faut aller voir le médecin pour le zona, parce que c'est quand même important. Mais alors, vous vous sentez investi comme ça de quelque chose qui vous rend un peu différente des autres ? Non, parce que j'y pense pas du tout. Je trouve que c'est un plus de pouvoir soulager certaines personnes, quoi. Non, ça m'empêche pas de vivre normalement. Mais faut-il avoir des aptitudes particulières pour continuer à faire ce genre de pratique? Est-ce qu'il faut avoir la foi? Est-ce qu'il faut y croire? Oui, oui, oui, je crois que c'est essentiel. Il faut y croire. Et comme je ne suis pas sûre de réussir, à chaque fois, je pense quand même à mon père qui m'a donné ce don. Mais il faut forcément y croire. Il faut forcément croire, avoir la foi. Avoir la foi. Mmh. Mais est-ce que quand on a la possibilité de faire le bien, on peut faire aussi, de la même manière, le mal? Peut-être que quelqu'un qui connaît les formules. Mais moi, non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire le mal. Oui. Non. Je ne connais pas de formule pour faire le mal, puis de toute façon, je ne le ferai pas. Ce n'est pas dans ma nature. Et est-ce que vous avez envie, ou est-ce que vous allez transmettre ce don à quelqu'un de votre famille? Oui, j'espère pouvoir le faire à mon fils. Il faut changer de sexe, mais je ne sais pas trop. Je crois que j'en parle à d'autres qui ont le même don, peut-être qu'ils sauraient me dire. Si, je pense que c'est un bien de pouvoir aider certaines personnes dans la souffrance, donc ce serait bête de le perdre. Vous en avez parlé avec votre fils? Oui. Il est d'accord, lui? Pour l'instant, il a 13 ans, c'est un peu... Ça le dépasse un peu, mais je pense qu'il pourra faire ça très bien. Et c'est quelque chose que vous avez jusqu'au bout? C'est quelque chose, vous ne savez pas, ce qui peut arriver? Non, je ne sais pas si je le donne, par exemple, à mon fils maintenant, est-ce que moi, je ne l'ai plus? Je ne sais pas. Mais ça... Vous dites ça a à voir un peu avec la médecine, puisque vous soignez. Ça a un peu à voir avec la religion, puisque vous avez la foi. C'est quand même quelque chose d'étrange. Oui, oui, c'est vrai. Parce que pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je n'avais pas été croyante. Est-ce que ça aurait fonctionné? J'en sais rien. C'est quelque chose que vous avez en plus, quoi, comme ça. Comme un don. Oui, si vous voulez. Moi, j'ai du mal à considérer ça comme un don. C'est quoi alors? Peut-être un savoir supplémentaire, je sais pas. Avec Pierre Guichenet, auteur de « On se meurt apprenti » aux éditions Terre de Brume, et Maurice Gruau, curé de campagne et anthropologue, nous poursuivons notre exploration des rituels du bocage dans la moyenne profonde où changement de décor s'est installé cette semaine. Alors avec cette personne qu'on vient d'entendre, qui est plus jeune d'ailleurs, on a l'impression que le ton a changé. Il ne s'agit plus de quelqu'un d'ailleurs issu du milieu paysan. Elle s'interroge, elle raisonne. Qu'en pensez-vous, Pierre Guichenet? Il y a une chose qui m'a frappé et dont on parlait en antenne d'ailleurs, c'est la soumission au pouvoir médical, c'est-à-dire on conjure, mais on ne va pas contre le pouvoir scientifique établi, comme on ne va pas contre le pouvoir de l'Église établie, comme on n'allait pas contre le pouvoir de notre maître établi. Si fait que cette attitude de soumission apparente, qui fait que, par exemple, les industriels aiment beaucoup l'ouvrier mayennais, parce qu'il est supposé ne pas se révolter, être courageux, etc. Mais ça permet, paradoxalement, à toute une culture de survivre, car là, on parle bien de transmission de culture. Hein, oui. Et je veux juste ajouter une petite chose. Pour les zonas, c'est vrai, mon père, qui était docteur, envoyait les gens chez les conjureux, tout en leur donnant des médicaments, mais les envoyait chez les conjureux, ça marchait. Pas tout le temps, Pierre, parce que ton père m'a soigné pour un zona et ne m'a pas envoyé chez les conjureux. Mais Ce que tu viens de dire, je crois que ça se retrouve en effet dans la pratique de beaucoup de gens, cette soumission. Mais je pense que les gens interprètent, et je ne suis pas sûr que les médecins et les vétérinaires ne le fassent pas quelquefois un peu exprès, ça je n'en suis pas sûr, mais j'ai entendu bien des fois des gens dire le vétérinaire a dit qu'il n'y pouvait rien, où le médecin a dit qu'il voyait pas de quoi il s'agissait, et ils interprétaient ça à chaque fois comme le vétérinaire a dit c'est pas de mon ressort, c'est du ressort du conjureux, le médecin a dit c'est pas de mon ressort, c'est du ressort du rebouteux. Ou... Et elle a donc un secret qui lui a été transmis par son père, donc elle peut transmettre, l'idée de la transmission existe là très clairement. Et puis, elle peut soigner à distance, par téléphone, alors que dans les autres témoignages, il fallait toucher. Il y avait un rapport presque physique au mal. Oui, ça, c'est très établi. Ah bon ? C'est différent dans d'autres régions de France, puisque j'ai vu récemment une émission sur le Berry. On voyait qu'on transmettait les secrets on ne changeait pas de sexe avec les générations pour transmettre le secret. Les personnes qui travaillent avec les formules... Donc, qui sont des formules rythmiques. Il y a des livres où elles sont écrites, hein, ces formules. Mais si on n'a pas le don, on ne peut pas conjurer. Les personnes qui travaillent donc avec des formules ne touchent pas. Donc, elles peuvent aussi bien parler, marmonner leurs secrets au téléphone ou même après qu'une personne est appelée qui s'était brûlée ou je sais pas qui a des verrues par exemple on raccroche le téléphone, la personne dit sa formule et bon cette dame bon je l'ai rencontrée aussi, elle visualise elle parle de savoir supplémentaire. En fait, elle a une technique de concentration qui ressemble étrangement à des techniques de yoga avec un mantra, c'est-à-dire une formule rythmique qui lui permet. Elle parle donc de foi. Elle dit c'est important d'y croire, d'avoir la foi. C'est important de croire. C'est important d'y croire. Elle dit les deux choses. Oui. Donc pour elle, c'est très lié, disons, à sa foi catholique, enfin sa foi religieuse. Et ce n'est pas la seule personne qui guérisse par téléphone. J'en connais. Il y a même une dame qui était très connue dans mon village, qui s'appelle, je peux dire son nom, c'était la mère Gauthier, qui habitait juste à côté de l'église où Maurice a officié d'ailleurs, et qui passait les dartres aux vaches, aux hommes, le feu, les zones. Un petit peu les infections, je crois, et qui s'est mise contrainte et forcée à travailler par téléphone une fois où quelqu'un, il me semble, de sa famille, quelqu'un a téléphoné quelqu'un qui s'était brûlé la langue. En goûtant un plat, donc qui avait goûté, une sauce beaucoup trop chaude, bouillante, et qui a téléphoné, qui a réussi à parler au téléphone. et cette dame, la mère Gauthier, a découvert, alors que elle avait déjà 80 ans, donc elle a dit, madame, je vais essayer par téléphone, et ça a marché. Donc elle a eu moins de visites, un petit peu moins de visites chez elle, mais c'est sûr que, même si ça marche par téléphone, c'est peut-être plus efficace ou mieux d'aller voir. Si, je t'assure, ça marche bien, parce que ça m'est arrivé, je me souviens une fois, c'était un fermier qui m'avait téléphoné pour que j'y aille. J'étais pas capable d'y aller, j'avais un emploi du temps qui était trop serré. Je lui ai dit, ça va demander 3-4 jours que je puisse passer, mais je passerai. Le lendemain, il m'a téléphoné en me disant que c'était plus la peine de passer, que j'avais fait ce qu'il fallait par le téléphone et que c'était réglé. Alors, autre cas de figure, celui de Françoise, que nous avons rencontré chez Denise. Françoise passe le feu parce qu'elle est née le 10 août. Toutes les personnes qui sont nées le 10 août passent le feu. Vous avez vérifié ? J'exerce un petit peu. Ouais. Mais alors, quand on vous a dit ça, qui est-ce qui vous a annoncé ça ? C'est par une de mes tantes qui était née le 10 août. Alors elle l'a su tard, assez tard dans sa vie, quoi. Mm-hmm. Et puis, c'est pareil, c'est que du bouche à oreille. Hein. Ça se sait par du bouche à oreille. Une personne était née pareil le 10 août, elle lui a dit ça, elle me l'a redit. Et moi, je pourrais le redire à d'autres. Et pourquoi le 10 août ? C'est le jour de C'est le jour de la Saint-Laurent. Mais alors là... Et Saint-Laurent, vous connaissez des choses sur lui ? Non. Vous ne savez pas ? Non, je n'ai jamais approfondi. Saint-Laurent, c'était un saint espagnol que les Romains voulaient qu'il leur donne les richesses de l'Église. Lui, sitôt qu'il avait su ça, il avait tout distribué aux pauvres. Après, il avait montré au préfet de Rome les éclopés et les miséreux et il avait dit « Lève-là les trésors de l'Église !» Le préfet, il l'a fait étendre sur un grille de fer rouge au feu et Saint-Laurent, il est devenu martyr, rôti. C'est logique qu'il fasse passer le feu. Ceux qui avaient reçu le don de par la famille, qui se passait d'un homme à une fille et d'une fille à un homme, ils devaient apprendre une formule secrète. Par contre, ceux qui sont nés à la Saint-Laurent, suffit qu'ils touchent pour conjurer. Quand j'ai su ça, je ne voulais pas le pratiquer. J'y croyais pas, sans doute. Et c'est... puis, c'est pas évident, je l'ai su assez jeune. À quel âge ? À 15 ans. Alors à 15 ans, on a autre chose à penser que de passer le feu. Alors c'est resté de là. Et puis j'ai été un couple d'années comme ça. Et puis un jour, j'ai été devant le fait accompli. Il y a une personne brûlée qui est venue me voir. Elle m'a demandé de passer le feu. Alors je l'ai fait, quoi. En y croyant quand même. Je dis, puisque je le fais, faut que j'y croie et faut que ça se fait, quoi. Apparemment, ça a marché. Et puis c'est comme ça, au bout de fil en aiguille, que ça se sépare comme ça. Et puis, mais moi, ça ne me fait rien. Ça ne me brûle pas, ça ne me... Ça vous n'avez pas d'effet quand vous passez la brûlure? Non, pas du tout, non. Ce qui me guide, c'est que j'espère soulager les personnes. Voilà, je me dis, si je peux soulager... Et que moi, ça ne m'enlève rien. C'est ça qui me pousse à le faire. Oui, j'avais mis le fer à repasser. Et puis le petit-fils, à un certain moment, j'ai dit, tiens, faudrait qu'on irait voir si le fer est chaud pour repasser le linge. Alors lui, il avait 2 ans peut-être. Il a couru vite voir si le fer était chaud. Il a posé la main dessus. C'était brûlé. Alors qu'est-ce que vous avez fait, Denise? J'ai pensé dans Françoise, je suis allée tout de suite. Et puis elle a passé la main et il a arrêté de pleurer tout de suite. Ah oui, au moment, à la seconde, quand t'as passé la main, il a arrêté de pleurer et ça a été fini. Donc vous avez vérifié le don de Françoise? Ah oui, ah oui, oui, oui. Oui. Ça aide à vivre alors, un peu, oui. Toutes ces pratiques-là. Ah oui. C'est vrai, oui. Quand ça nous arrive, on dit... qui je vais aller voir pour penser ça? C'est notre premier réflexe, c'est ça. On cherche la personne qui peut nous guérir. C'est automatique, ça. Et c'est tout le monde. On va chez le médecin après. Pour beaucoup de... Oui, on va chez le médecin après. Alors ça aide à vivre, hein. C'est pas très raisonnable, mais ça soulage bien. C'est ça, c'est toute cette culture populaire comme ça qui est dite finalement, énoncée très simplement. Moi, c'est ce qui m'a frappée, peut-être en dehors de ce témoignage, celui d'avant, où il y a une interrogation, où il y a une certaine ferveur, mais pour l'ensemble de ces témoignages, on a l'impression que tout se fait comme ça, l'air c'est de rien. C'est naturel. Ouais. Oui, c'est... C'est tout naturel, ça se passe, on soulage, on se fait du bien entre soi. Ah oui. Hein, on se fait du bien, c'est quand même quelque chose d'important. Ça, c'est mieux que de se faire du mal, et on sait que le mal est là aussi, hein, puisque aussi celui qui peut faire du bien peut faire du mal, c'est quelque chose qu'on dit toujours. Donc on a. Mais quoi que ça ne concerne pas tellement les conjureux, les gens qui ont des dons, ça. C'est plutôt du côté des. Bon, il y a certains personnages, disons, qui ont un peu disparu, qui étaient les vrais sorciers de village. Je pense dans le village d'Henri, dont on parlait hier, il y avait justement la dame qui n'a pas voulu témoigner sur crises multiples de sorcellerie qu'elle a connues avec son époux au cours de sa vie. Elle avait eu affaire à une dame qui avait un surnom. Son surnom c'était Sanders, parce qu'elle vendait des aliments pour bétail. Elle était représentante de Sanders. Et on lui prêtait le pouvoir, par exemple, de donner des diarrhées aux gens qui se moquaient d'elle, d'agir à distance. La dame qui n'a pas voulu témoigner après avoir voulu témoigner, oui, etc. Puis après, dont la vache avait rallongé de 50 cm. Oui, ce qui veut dire qu'elle continue à souffrir, elle continue à avoir des problèmes, avait été un jour paralysée, je pense, elle doit être particulièrement réceptive, bien entendu, mais paralysée à la vue de cette dame, et son commis de ferme, dans le même moment, a à peine eu le temps de baisser culotte, parce qu'il a une diarrhée terrible, l'avait saisie. Etc. Ouais. Donc on est dans cette culture du don, où le moment quand on accomplit cet acte-là, il y a quelque chose qui se passe d'important entre, d'un côté, le conjureur et puis de l'autre côté, le guéri. Et finalement, c'est une culture qui témoigne de la présence vivante d'une tradition. Comment vous, Maurice Gruau, vous analysez ce phénomène-là, vous avez participé, oui, d'ailleurs? Il me semble d'abord que c'est vrai qu'à la racine de tout ça, il y a du malheur, quoi. Et vraiment, j'ai rencontré quelquefois des familles qui souffraient de ça depuis des années. Je me rappelle très bien, une fois, c'était dans une ferme à côté de Cran, dans le sud de la Mayenne. Je me suis dit, mais si j'y reste un quart d'heure de plus, je vais y croire. Tellement il y avait une atmosphère de souffrance et de... C'était terrible. Alors, dans cette affaire-là, ce qui est dur aussi, et dont on a peu parlé, parce que personne n'en a parlé là dans les témoignages que vous avez eus, c'est qu'il y a tout le temps quelqu'un qui a fait du mal. Et alors, là-dessus, quelquefois, ceux qui guérissent sont... pas toujours très bénéfique, c'est-à-dire que j'ai plusieurs fois, on m'a dit, celui qui nous a ou celle qui nous a guéri nous a dit, vous verrez bien, quand je vais être parti, c'est le premier qui va rentrer chez vous qui vous aura fait ça. Alors évidemment, parce que je raconte dans le livre. Ah oui, évidemment, à tous les coups, c'est un voisin, parce que il y a plus de chances, ou un parent. Oui. Alors ça c'est aussi la source. Le mal guette, et la mort est toujours là. La mort est toujours au bout, là, peut-être. Est toujours dangereuse. Menaçante. Mais c'est vrai que ce sont des gens qui ont vécu dangereusement, si on peut dire, parce qu'ils avaient rien pour contrer tout ça. Et puis je pense surtout que quand on est dans le malheur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit à la source de ça. On est moins malheureux quand on sait d'où ça vient que quand on ne sait pas d'où ça vient. Dire aux gens que c'est telle ou telle chose. Je me rappelle cet agriculteur qui avait des beurs et des sorcières. Et je lui avais dit, je vais en faire analyser. J'avais fait analyser, je suis revenu triomphant. Oui, ces beurrés, ce sont des champignons qui empêchent le... C'est ça. Le beurre de ce champignon. C'est une sorte de champignon, c'est des galettes de 10 cm de large. Oh oui, facilement. Je ne serais pas au courant. 10 cm. Et 2 d'épaisseur. Oui. Et alors, qui s'apparaissent quand il y a quelqu'un qui sert ton beurre. C'est ça. C'est-à-dire, pour ceux qui ne sauraient pas, qu'ils volent la crème voilà. de tes vaches et que ils ça vient dans son lait à lui. Ils font le beurre à la place de l'autre. Et je l'avais fait analyser, on m'avait dit que c'était un scléroderme sessile. Je suis revenu avec mon scléroderme sessile, mais il n'en avait rien à faire, que ce soit un scléroderme sessile. Ce qui lui paraissait important, c'est qu'il y ait derrière quelqu'un, même Dieu... Quelqu'un qui l'écoute. Même Dieu qui peut être la cause de ces malheurs. Mais s'il y a quelqu'un qui est la cause du malheur, c'est moins difficile que s'il n'y a personne, que si c'est le destin. Et puis pourquoi finalement quelqu'un s'acharne forcément, puisque c'est toujours dans le cadre d'une accumulation, d'un amoncellement de malheurs qui touche aussi bien la femme, la vache, les petits-enfants, etc. Oui. Non, il y a les ce phénomène-là. Il y a le phénomène des séries. Oui. Il y a, Fabrice Saada en a bien parlé, d'ailleurs, il y a un annonciateur à un moment qui dit... on t'a jeté un sort. Tu peux peut-être se mettre dans cette heure dit, tu devrais aller voir le père Attel ou la mère Attel. Ou bien il y a des séries, moi je pense à une voisine à moi, qui a des problèmes terribles depuis des années, qui sont incompréhensibles. Il y a eu des analyses, enfin du bétail qui est mort. Alors quand on a 5 vaches, quand on en a 2 qui crèvent, c'est un drame. Le fait de pouvoir nommer, pouvoir nommer le mal, mettre un nom dessus, c'est certainement thérapeutique. Et alors là, on est effectivement dans cette zone un peu incertaine. Des rites que vous avez d'ailleurs, vous, Pierre, regardé aussi fonctionner dans d'autres sociétés, dans d'autres cultures. Et puis on est dans ces zones aussi d'inconscient, hors de la rationalité. Maurice. Oui, mais vous savez. Comme bien, la religion, comme la psychanalyse. Ben oui, la religion, c'est pas rationnel. Mais l'amour, c'est pas rationnel. Et là, c'est beaucoup des histoires comme ça. C'est des histoires de haine, c'est des histoires de rancune, c'est des histoires aussi d'amour. Bon, et dans la mesure où on va pouvoir témoigner d'un Dieu qui serait amour, et dans la mesure où on va pouvoir nommer les choses, Freud dit ça. Il dit ce qu'on ne peut pas guérir, on peut au moins le nommer. Oui. Et puis, juste une chose, dernier mot. Vivre dans un monde enchanté, c'est quand même beaucoup plus intéressant que de vivre dans un monde désenchanté. Alors pour se quitter sans y toucher, exorciser toutes ces paroles enchevêtrées, renverser peut-être un peu la vapeur, le récit d'Albert, l'homme à tout faire, même à en rire. Albert, c'est l'homme qui rend service à tout le monde. C'est vrai ? Chaque fois qu'on lui fait signe, il est prêt. Bonjour Albert, madame. Ça va ? Monsieur. Chaque fois qu'on fait appel à Albert, on est sûr. Il y a 3 semaines, je lui ai dit on fait le cidre le lundi 2 novembre. Ce matin, à 8h30, il est arrivé à la papinière. Ah oui. Alors comme ça, vous donnez des coups de main à tout le monde ? À tout le monde. Alors vous demandez, bon, on programme. Aujourd'hui, je vois là. Demain, je vais ailleurs. Faire du jardinage, de la taille. Tout ce qu'on veut. Albert, j'ai pas de choix de travail. J'ai fait tous les travaux. Aussi bien le ménage comme l'autre chose. J'étais au restaurant, la patronne a eu le feu dans sa friteuse. Et ben, j'ai éteint, j'ai mis un sac dessus. Il y avait un gars avec l'extincteur, mais il n'a pas eu le temps parce que le feu était éteint déjà avant. Et après, ben, on a fait le nettoyage du plafond parce que tout était noir. Alors vous voyez, on fait aussi bien du ménage comme on fait autre chose. Et est-ce qu'il y a un sein qui vous protège? Oh oui, parce que j'étais une fête avant la fête de Beaulieu. Oui. Et la jument s'est emballée, elle m'est passée sur le vent. C'est pas vrai. Et ben oui, et puis ça s'est passé très bien pensé. Très bien pensé. C'est-à-dire, vous avez rien eu? Ah ben, j'étais le jour de la fête de Beaulieu, j'étais pas en forme. Parce que j'étais tout le bord noir, mais carrément noir, jusqu'aux jambes. La machine la roue de la machine était passée sur Albert. Rien de cassé, tout est revenu. J'ai passé des radios, il n'y avait rien. Il n'y avait qu'à attendre. Et j'aurais poté au médecin, mais... Il serait guéri pareil, c'est ce qu'il fait. Il serait guéri pareil, parce que j'y étais 4 jours après. Parce que je devrais quand même voir à ça, mais j'aurais pas été, ça aurait été pareil. Ça n'aurait rien changé. Dis donc. Ici, on se soigne tout seul? Ben oui. Quand c'est possible, c'est aussi bien. Parce qu'on ne prend pas de médicaments, rien en tout, et comme ça, on a la forme. Ah oui. Parce que les médicaments, ça ne guérit pas les gens. Hein. Ah bon? Ben, il y a des fois, ça les guérit, mais il y a des fois, ça les détraque. Ah oui, il y en a d'autres aussi qui guérissent autrement, là, qui font des choses, oui, qui ont des dons, là. Ah oui, mais faut en croire que ce qu'on en veut. Que ce qu'on en veut. Est-ce qu'il y en a circulé des petits seins, des trucs comme ça? Non, il y a une qui pose des trucs d'eczéma et tout ça. Bon, ben, ça réussit assez bien. Mm-hmm. Une qui des dertes, ils vont jouer voir des personnes comme ça, ça se passe très bien. Mais il faut pas prendre ça pour un... Comment je dirais... Ça vous est arrivé de faire appel à eux quand vous avez un bobo, que vous avez mal? Oui, j'étais une fois chez une personne. Oui. J'avais tout le temps mal au pouce et puis elle m'a chéri le pouce et puis ça s'est guéri tout seul. Alors, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose. Hein. Je ne vais pas dire, il y a quand même quelque chose. Parce que Elle m'a juste serré le pouce et elle marmottait. Mais... Elle marmottait. Oui. Vous compreniez ce qu'elle disait? Ah non, c'est pas ce qu'elle a dit. Mais ça s'est très bien pensé. Ah oui. Ça s'est très bien pensé. Ainsi s'achève ce deuxième changement de décor en Mayenne. Merci à Pierre Guichenet et Maurice Gruau d'avoir partagé cette heure en direct avec nous. Documentation Christine Gage, prise de son et mixage Nicolas Mathias, réalisation Véronique Villa. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 17 novembre 1998. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.